Arc-en-Ciel, il est 15h. Bienvenue à tous sur Radio Arc-en-Ciel. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h, jusqu'à 17h dans un premier temps pour Micro Ouvert, l'émission de notre amie Valérie que l'on embrasse. Émission musicale, chansons françaises, jazz. Et puis à partir de 17h, bien sûr, La vie comme elle va, l'émission où le livre fait son show sur Radio Arc-en-Ciel. On retrouvera bien sûr Irène et ses amis. Saxophone magique, il faut bien le dire, de Duffy Dulfer. Et on reste en compagnie de la belle Candy pour un début d'après-midi. Je trouve que c'est pas mal. Alors voilà, l'ambiance a un petit peu créée, hein. Je pense que jusqu'à 17h, on va baigner dans une douceur, une saveur, celle des mercredis. On est tous des fans de musique sur Radio Arc-en-Ciel et ce qu'on aime surtout, bien sûr, c'est partager. Nos podrá parar. Uno recibe lo que da, ama y te van a amar. El odio solo genera más odio, no sirve para nada y esa es la única verdad. Love, love, love, love, love, love. Desde que me levanto, brother, hasta que me acuesto. Love, love, love, love, love, love. Cuando ves el mensaje del amor, si tú quieres estar atento. Love, love, love, love, love, love. Aunque lleve la ropa, yo siempre lo llevo puesto, voy. Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love. Desde que me levanto, brother, hasta que me acuesto. Love, love, love, love, love, love. Cuando ves el mensaje del amor, si tú quieres estar adentro. Love, love, love, love, love, love. Aunque lleve la ropa, yo siempre lo llevo puesto. Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love. C'était Green Valley, love, love, love. On envoie plein de petits bisous à notre Valérie et puis aussi à Sonia qui mérite bien la peau. C'est mercredi sur Radio Arc-en-Ciel. J'aimerais être vivant et ne plus avoir peur. l'attendent. J'aimerais être important, j'aimerais être un désir, j'aimerais être impossible. J'aimerais te voir guérir, j'aimerais te voir grandir, à tes luttes et douleurs tombera l'écroix. Mon rêve réussira, tomberont les diables, les dieux n'existent pas. Attaque mes rêves ou détruis mon âme, on fera un rêve. J'aimerais être un guerrier, quelqu'un d'effrayant, j'aimerais que tu reviennes. J'aimerais me sentir bien, accueillir des réfugiés, revenir en arrière. J'aimerais ne plus vieillir, y avoir jamais cru, j'aimerais juste essayer. Toutes mes peurs disparaîtraient. Et moi, la nuit, je rêvais d'une vie Je n'ai plus de charme, je n'ai plus de fleurs à t'offrir. Je sais que tu le saches. Jamais je n'aurai de mal à te dire, te reprocher nos problèmes. Car moi, je t'aime encore. Une page blanche, nuit de lendemain, je n'ai plus le verbe pour t'écrire. La peur au bout du chemin, une pierre immense au bout de mes mains m'empêche de te prendre. Pourtant, je t'aime encore. Je n'ai plus de temps pour tuer le méchant, le venin des rengaines qui coule au gré des ans. Tu dis que tu m'aimes mais tu t'éloignes tant, et moi perdu dans l'ivresse pour fuir et oublier le temps. Sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Quand il fait beau, hey, le comptoir, son corps de l'ombre. On se rappelle pas du mois de novembre. Aucune pensée pour le mois de décembre. Nos enfants sont de bonne mine. Dans le parc avec la copine. Sous le soleil, rajoutons de la mélanine. Du soleil sur votre barrière. Et cela ouvre toutes les frontières. Le soleil. Eh bien voilà, début de programmation avec Indochine. Vous aviez peut-être connu, hein, c'est un son, Indochine. Song for a Dream, c'était donc Indochine. Puis on a eu deux petits Québécois, Éric Paiement et Wesley, qui faisaient descendre le soleil à l'instant. Mais le soleil résiste dans l'Orléanais, c'est pas trop mal. Et puis là, un joli jazz signé Vincent Gagnon. Ça s'appelle Anitaville et c'est un Québécois. Alors j'espère que tout va bien. Vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM, vous le savez, mais aussi sur le site www.radio-arc-en-ciel.fr. La petite Oriane que nous aimons vous le rappelle souvent. voici une grande semaine se sont produits à Pithiviers, au petit théâtre du Donjon, un joli petit théâtre qui était à l'occasion plein comme un œuf. Ce petit théâtre recevait deux artistes que nous aimons beaucoup sur Radio Arc-en-Ciel. C'est Sébastien, notre ami, qui nous les a fait connaître. Il les a même eus au téléphone dans son émission le samedi. Elle s'appelle Lily, il s'appelle Thierry, Lily Crow, Thierry Chazelle. Ces deux petits artistes sympathiques seront bientôt à l'Olympia. On vous en reparlera tout à l'heure dans La vie comme elle va, parce que j'ai choisi pour vous un deuxième titre. Si je tenais l'enfant de salaud qui a profité de mon ivresse pour me tatouer sur les fesses, I am a dog. Si je tenais l'analphabète qui a inversé les deux lettres, qu'aurait pu au moins écrire I am a god. Je lui ferais bouffer sa grammaire, je le renverrai chez sa mère, qu'on le remette dans le scolaire pour l'éternité. Si je tenais que rien, qu'à profiter de mon chagrin pour salir le bas de mes reins, nom d'un chien. Si je tenais le dyslexique, qu'à pas le cerveau symétrique et qu'aurait pu trouver mieux, nom de Dieu. Bien sûr, y'a quelques avantages, elle aime au fond des saloons. On sait que je suis pas un clown, que je suis un tatoué. Bien sûr, y'a quelques avantages quand je croise une. Si je parle de mon tatouage, elle veut le toucher. Si je tenais la graine d'artiste qui dégaine à l'improviste et qui a pris le battement d'eau pour un tableau. Si je tenais le petit génie qui a profité de ma détresse pour me tatouer sur les fesses, I am a dog. Bien sûr, y a quelques avantages, et même au fond des saloons, on sait que je suis pas. Que je suis un tatoué, bien sûr, y'a quelques avantages quand je croise une poupée. Si je parle de mon tatouage, elle veut le toucher. I am a D.O.G. I am a D.O.G. I am a D.O.G. I am a D.O.G. Si je tenais l'enfant de poète qui a profité de ma faiblesse, il verrait que je suis devenu une sale bête. Profite de mon chagrin, il verrait que je suis devenu un vrai chien. I am a dog. I am a dog. I am a dog. I am a dog. Ah, ils sont trop, ces deux-là. Lily Crow, Thierry Chazelle. I am a dog. Quelle vie de chien. Il faut faire attention, Thierry. Hein. Surtout, fais attention à tes fesses. Never meant to cause you any sorrow. Never meant to cause you any pain. I only wanted to see you laughing. Only wanted to see you laughing in my purple rain. Another. version du boss Springsteen. Yeah. Arc-en-ciel, la FM en couleur. En couleur, en couleur. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Strawberries, chantilly cream, gingerbread, for every meal, chili dogs, a soccer team running up and down the hill. We won't care about the winter, we won't care what the neighbors say, we'll sing all. Femme, femme aussi, puis la bottine, tin, tin, rigolait. Ah, sorti pas de attaqué par nos défenses. Plus ou moins, moi le plus, on avait zéro chance. Épuisé par la violence, je respire par cadence. Avant de se perdre, on a perdu notre innocence. Regarde-moi, regarde-toi. Un peu trop lentement. Il chanson québécoise pour ce mercredi après-midi. Et rien que des filles en plus, hein. Sugar Crush, après dans un petit zigzon très très typique du Québec. Et puis on a eu Coralie, et puis on a eu Samara. Et là, excusez un peu, monsieur Ornette Coleman. Alors si vous le voulez bien, je vais me taire. Coleman's Blessing. On va changer un petit peu d'ambiance. Vous vous souvenez certainement d'une très belle émission de Radio Arc-en-Ciel, voici quelques mois, ça s'appelait Pachanga, et c'était notre ami Daniel qui l'animait. Eh bien, l'ami Daniel, voilà ce qu'il vous passait. Arc-en-Ciel, il est 16h. C'est mercredi sur Radio Arc-en-Ciel. Muchísimas mujeres les he visto compadecer, cosas raras para que un hombre dizque las pueda querer, con un alfiler clavado en mitad del corazón, cabeza bajo un retrato, alumbrar en un rincón, cabeza bajo un retrato, alumbrar en un rincón. Y según por lo que veo, las cosas raras te dan, alguna te puma creo, alumbrando te estarán. Y según te estoy mirando, tan cambiado como estás, te fuman o tu retrato lo están velando quizás. Lo están velando con la cabeza para abajo. Un tabaco fuman al revés diciendo así, no tendrás pan y sosiego estando lejos de mí. También rezan un relajo de oraciones y al final dicen santo que el bien trajo, tráeme a fulano y tal. Dicen santo que el bien trajo, tráeme a fulano y tal. Y según por lo que veo, las cosas raras te dan, alguna te fuma creo, alumbrando te estarán. Y según te estoy mirando, tan cambiado como estás, te fuman o tu retrato lo están velando quizás. Thank you. 17h sur Radio Arc-en-Ciel, vous ne manquerez pas l'émission La vie comme elle va. C'est l'émission où le livre fait son show sur Radio Arc-en-Ciel. On y retrouve Irène, Eliane et Jean-Pierre. Avec une super sélection de livres encore cette semaine. 17h-18h, La vie comme elle va. Et à 18h, rendez-vous avec Violette et la musique traditionnelle. 19h, Violette ouvrira son agenda des sorties. En gros, vous êtes des petits gâtés. Bonifield dans ses œuvres. Bonifield, nous avions eu la chance de le voir, de l'écouter lors des samedis du jazz. Les samedis après-midi, c'était au théâtre. Un vrai bonheur. Thank you. au bout de la terre. Ah ah oui. Pour te satisfaire. Ah ah oui. Mais en retour, donne-moi, donne-moi, donne-moi un peu de toi. Et juste pour te plaire. Ah ah oui. Je serai exemplaire. Ah ah oui. Mais en retour, donne-moi, donne-moi, donne-moi un peu de toi. It takes Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Ce n'était pas comme ça que je voyais le monde. Je n'envisageais pas d'entrer dans cette ronde. S'il n'y a pas de règles, on ne pourra pas perdre. Si on ne peut gagner, à quoi sert de jouer? On ne m'a pas prévenu lorsque l'on m'a conçu. On m'a rien demandé avant de me jeter. Au milieu de l'arène et des lions affamés, je n'ai pas eu le temps d'apprendre à me défendre. Je ne sais pas pourquoi je me retrouve là, mais je ne tremble pas. Je ne sais pas me battre, mais j'irai au combat. J'irai puiser des forces, mais mots il n'y en a pas. Chaque bataille menée ne soit pas vaine. On ne bat pas l'indifférence par la haine. Je ferai des erreurs, c'est sûr, c'est obligé. Mais quand on a du cœur, tout peut se corriger. Je pourrais pardonner ou bien garder rancœur. De la crainte, tout dépend de la peur. Je pourrais crier fort ou garder le silence. Tout dépendra des torts, d'où est née la souffrance. Je me retrouve là, je ne sais pas pourquoi. Je me retrouve là, mais je ne tremble pas. Je ne sais pas me battre, mais j'irai au combat. J'irai puiser des forces, mais mots il n'y en a pas. Je me retrouve là, je ne sais pas pourquoi. Je me retrouve là, mais je ne tremble pas, non, non. Je ne sais pas. Sur cette terre hideuse, je ne reviendrai pas. Le ciel est bien plus bleu qu'on ne le voit d'en bas. Le ciel est bien plus beau quand on le voit d'en haut. Je me retrouve là, je ne sais pas. Des petites nouveautés québécoises, comme s'il en pleuvait. Barbara Secours, tout d'abord un petit peu de toi. Après, nous avons eu Isa 920 avec un titre anglophone, Oversea. Et puis Geoffrey Pinel, Je me retrouve là. Très jolie voix, très bon petit chanteur. Et à suivre, eh bien, c'est Duke Ellington et Count Basie. Voilà, voilà. J'espère que tout va bien pour vous. En tous les cas, on se régale quand même. Et ça n'est pas fini sur Radio Arc-en-Ciel. 17h, La vie comme elle va. 18h, Violette et traditionnelle.

Vous êtes à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM sur l'Orléanais. Enjoy the day.

Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, il est 17h.